Bienvenue dans l'Instant Groove, une émission d'une heure de découverte de la musique électronique, de la house music, du dub à la techno, en passant par les synthétiseurs qui vous feront frissonner de la tête aux pieds. Aujourd'hui, j'accueille Zazak. Bonjour Zazak. Bonjour, bonsoir à tous. Je l'accueille pour une heure de cette techno, un invité qui sera vous partager son univers musical en live. Zazak, qu'as-tu à nous proposer aujourd'hui ? Je vais vous proposer le set que j'ai joué lors du festival de La Boum-les-Bains qui a eu lieu il y a très peu de temps, un set straight techno, mélodique techno. Alors c'est parti Zazak, en avant pour l'Instant Groove Techno. Faith to share with you today. I have and I offer a gospel of Vous êtes sur l'Instant Groove et le titre c'est Black Heart Spectre. Alors Zazak, c'était quoi cette musique qui a réveillé des sonotones? Un peu techno, tendance straight techno et pas mal de mélodies avec un peu de vocaux. Ok. Aujourd'hui, tu nous joues un set techno. Peux-tu nous dire pourquoi, pour toi, ce qu'est la musique techno? Pour moi, la musique techno, c'est une musique avec beaucoup de rythme, évidemment beaucoup de basses qui vont faire résonner le tout, et avec des inspirations qui viennent principalement d'Allemagne pour ma part. Et peux-tu nous dire pourquoi tu as commencé à jouer de la musique et depuis quand tu joues de la musique? Alors, je joue de la musique depuis que je suis parti en Erasmus à Fribourg, une ville pas si lointaine de Nancy, où je me suis rendu compte que la techno et les clubs techno faisaient partie intégrante de la ville. Et au fil des soirées en soirée, je me suis dit pourquoi pas essayer de mixer. Et c'est ainsi que j'ai eu ma première platine et mes premières enceintes. Donc il y a combien de temps ? Ça va faire bientôt 5 ou 6 ans, je dirais. Donc on peut retenir que tu es influencé fortement par l'Allemagne. 100% influence d'Allemagne. Et qu'est-ce que tu nous proposes pour la suite de ce set ? Pour la suite, je vous propose de monter petit à petit en vitesse et en BPM pour finir par de la straight techno, hard techno. Et quel artiste sera le prochain son ? Le prochain son, ce sera Radio Slave, un remix de RSVD qui sont en train de percer en ce moment. Super. Et ils nous viennent de ? D'Allemagne, évidemment. Ah oui, bien sûr. Eh bien, c'est parti, on continue sur ce set techno. We'll be right back. chers auditeurs, vous êtes toujours sur l'Instant Groove. J'espère que vous appréciez ces bonnes basses berlinoises, germaniques, que Zazak, ici présent, nous amène. Zazak, que penses-tu de ces drops que tu viens de nous mettre dans les oreilles? Ils sont à l'image des kicks que j'aime entendre ces derniers temps, c'est-à-dire un drop un peu long avec un peu de vocal, et puis un gros kick qu'on voit direct qui reprend derrière. Ton autre scène est Zazak, pourquoi? J'adore poser cette question. Pourquoi? Je dirais que ça vient d'un surnom, ou même un nom de scène que j'ai dû trouver sur le tas, parce qu'on m'avait mis dans une programmation et personne ne me l'avait dit. Donc j'ai été pris au dépourvu et on m'a dit, tu joues demain, donc faut te faire un nom de scène. Super. As-tu une anecdote à nous raconter sur un de tes DJ sets, justement? Je pense que je pourrais me remémorer mon premier DJ set où justement j'étais pas du tout prêt pour jouer et tout le monde pensait que j'allais tomber dans les pommes avant de jouer et au final ça s'est plutôt bien passé. Un peu de stress quoi. Beaucoup de stress. Et comment tu fais pour gérer ton stress justement avant de rentrer sur scène ? Je gère toujours pas jusqu'à présent. Je travaille dessus, j'essaye de pas penser au fait que je vais jouer jusqu'au moment où je me retrouve... devant les platines. Et après, une fois que les premières musiques se sont enchaînées, souvent tout se passe bien. Tu nous as parlé du festival La Boum Les Bains. Est-ce que tu peux nous en dire un mot ? Premier festival organisé dans un petit village. Le soleil était au rendez-vous, beaucoup de bonne humeur, des sound systems super sympas, de la bonne bière, des animations. C'était un festival familial avec un nombre de personnes modérées, type La Palette, si on a le droit de les citer. Oui, on a le droit de les citer. Et au niveau de ta prestation, qu'est-ce que t'en as pensé ? C'était la première fois que je jouais sur un mur de son, mur qu'on pourrait assimiler à une façade de Rave Party, donc avec des basses très impressionnantes. Et j'ai passé un super bon moment et je pense que les gens aussi, enfin du moins je l'espère. Je pense aussi, et on va repartir sur une nouvelle musique. C'est parti. down to hustle and pumping. We'll be right back. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove pour un set techno de Zazak ici présent qui a un peu retourné le studio. Je suis un peu en sueur, je l'avoue, parce que j'arrête pas de danser, secouer la tête comme devant un mur de son. Zazak, j'ai entendu dans... Donc j'espère que tu vas bien déjà. J'ai bien chaud aussi. Je sais pas s'il y a la clim dans le studio, mais... J'ai pas l'impression. On se fait la grosse goutte. J'ai entendu dans une de tes musiques New Generation. J'aurais une petite question là-dessus. Quelles sont pour toi les valeurs de la techno d'aujourd'hui ? Les valeurs de la techno d'aujourd'hui, je dirais qu'elles sont représentées en ce moment par beaucoup de femmes qui sont à la tête de la techno européenne. Oui. Pour citer les meilleures comme Charlotte DeWitt ou Amélie Lenz, mais aussi Neusha que j'écoute beaucoup et AV qui est en train de retourner le game sur la scène de Cologne en ce moment. Merci pour ces petits noms. Et justement, avec quel artiste, toi, t'aimerais jouer un jour ? C'est quoi ton plus grand rêve de faire peut-être la première de cet artiste ou de jouer en B2B avec ? En ce moment, j'hésiterais entre Zeus, qui joue une techno à 150 ppm des plus violentes, ou Rob BPM, qui joue une techno très acide. Ça marche. Dans ton set aujourd'hui, est-ce que tu aurais un son qui serait ton son préf ? Mon son préf serait Dicton DJ, Jamaican remixé par Luca Ancelli, mais il n'est pas encore arrivé. Super, bah justement, on va y retourner, il nous reste encore 15 bonnes minutes, et c'est parti, Zazak, pour la fin de ce magnifique set. Vous êtes toujours sur l'Instant Groove avec Zazak pour un set techno. J'ai quatre petites dernières questions car on approche de la fin. Où pourra-t-on te retrouver et peut-on retrouver tes sets sur une plateforme en ligne ? Alors, tous les sets que j'ai joués sont enregistrés sur mon SoundCloud Zazak. Z-A-Z-A-K, c'est ça ? C'est ça. Où rêverais-tu de jouer, mon cher Zazak ? À la Ensbunte Areal à Fribourg. Fribourg-Ingsbrigbo, juste à côté de Nancy. Main stage. Quel est ton plaisir coupable en musique ? Mon plaisir coupable, c'est d'écouter de la musique jusqu'à tard, tard, tard le soir. Vers 3h ? Voire plus. Et dernière question, as-tu des grands fans, des personnes qui te suivent depuis le début, et as-tu un petit mot à leur faire passer ? Parce qu'on est un peu dans l'amour ici sur l'Instant Groove. Je dirais mon ancien coloc de Besançon qui a supporté ma musique tous les soirs et tous les jours et qui devait valider mes premiers enchaînements qui n'étaient pas terribles. Les transitions un peu ratées. Ah, des transitions voire beaucoup ratées, peut-être même inaudibles dans des toutes petites enceintes. Excellent. Et c'est tout au niveau fan Je dirais si, mes amis de Comblanchien aussi, mes amis d'enfance qui sont souvent là à toutes les prestations, bonnes ou mauvaises. Ben, merci à eux de te suivre et on va finir sur ce set. Et je dis merci à tout le monde, merci à Radio Fadjet pour l'accueil de l'Instant Groove. Et merci à toi Zazak d'être venu jouer ton set hard techno, straight techno. Et let's go pour la musique. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. I got that techno on my mind and I can't stop. Stop.